gentil. C'est mieux le gentil garçon. Ça va les amis gosses. Oui. Vous me connaissez, je suis ce que la science appelle un homme d'alcool, comme vous Leïla. Oui. En fait, si vous aviez ne fût-ce qu'une petite prostate. Mais non, madame préfère faire cavalier seul avec ses organes de fille. Ok, super, bravo la solidarité. Bref, l'autre soir, très bien. Je sors un peu alcoolisé d'un débit, comme toujours, hein, comme je commence mes phrases par l'autre soir. J'adorerais vous dire, bref, l'autre soir, je sortais de l'Institut Pasteur. J'avais bidouillé un petit vaccin contre l'hypertension et le Vlad n'est pas normal. Non, je suis pas comme ça. Donc soit, non, je suis pas comme ça malheureusement. Soit je sors du bar, j'appelle un Uber et il s'avère que le conducteur Uber est d'une conductrice. Voilà, la bonne quarantaine, volubile, sympa, on se met à papoter. Épanoui. Voilà, je lui demande tout ce qu'on demande généralement au conducteur Uber. Glyphosate, un mal nécessaire. Enfin, tu vois, des trucs simples. Quoi. Je dirais pas qu'on devient copain. C'était quoi votre relation avec vos parents? Enfin, des trucs simples. Je dirais pas qu'on devient copain, mais on socialise. Est-ce que vous connaissez Frédéric Mitterrand? Et du coup, je lui dis, tiens, au fond, vous qui roulez la nuit, est-ce que vous n'avez jamais de problème avec des gens alcoolisés? Sous-entendu, je connais les confrères. Je sais comment ils peuvent être. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils se tiennent bien? Sinon, je passe deux coups de fil, je fais une chronique qui dénonce. Le Raphaël Glucksmann, enfin tu vois, je fais un truc. Et là, la dame me répond, alors là, pas du tout, je roule la nuit depuis des années, j'ai jamais eu le moindre problème. Et j'ai dit, ah voilà, elle est là. Est-ce qu'on leur dit pas, franchement, c'est vrai, on en fait tout un foin de l'alcool alors que c'est pas pire que la mousse au chocolat. Vraiment, et ben, et la femme me dit, ah si, pardon, j'avais oublié, un soir, il y a un client qui s'est masturbé sur moi, j'étais obligé de débarquer sur le périph. Quelle horreur. Et je fais, what? Ça, vous l'aviez oublié. Comment t'oublies ça? Moi, le jour où Nagui s'est masturbé sur moi, je dis pas qu'il y a eu un avant et un après, mais ça a quand même marqué, tu vois. J'avais dit patron, allez. Mais c'est allez, bon, ça fait de la crème pour le visage. Oh non, putain. C'est bon, c'est des cellules fraîches, Frédéric, des protéines. Ouais. Il est 11h30. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est pas moi qui l'ai dit, moi. Gardez un peu de mystère, Frédéric. Je suis désolé. Vous avez un très joli grain de peau, Frédéric. Non, mais j'essayais d'apporter une notion touche, scientifique. Une touche personnelle. Putain, il m'a giclé dessus, la vérité. C'est que l'eau. Explosé. J'essayais de me calmer en ouvrant une bouteille d'eau. Explosé la bouteille d'eau. C'est de l'eau. Voilà. Bon, alors, continuons. Merci, super, comment je fais. Je suis désolé. Bref, donc la dame, ça m'a halluciné de voir quel point elle était détente. Quoi. Donc je lui ai fait, vous avez sorti le mec sur le périph. Elle me dit, ouais, j'avais pas laissé se brûler dans ma Citroën. Tu vois, bonne réponse, 4 à la suite, bien joué, mon motus, tu vois. Enfin, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis imaginé ce vieux pervers, là, ce gag à la main sur le périph, à essayer de se finir sur le terre-plein central, tu vois, avec des routiers qui passent et qui le jugent, tu vois, l'air de dire, ça, même nous, t'es seul, frère, dans ton délire. Vraiment, et cette conductrice Uber. Comment elle a pas fait direct? Vous êtes bien, monsieur Ernesto? Voilà, vous avez une petite bouteille d'eau là si vous avez soif. Tiens, en fait, je vous ai pas raconté la fois où il y avait un mec la nuit, il était à votre place. Ma fille Réo qui arrive porte de Saint-Ouen, je me retourne. Fait... Non, voilà. Moi, si ça m'était arrivé à moi, j'aurais mis une plaque commémorative sur le ciel. Faut pas demander à quel point les femmes, elles intériorisent les comportements chelous, quoi. C'est un truc de fou. Et moi, je savais pas comment réagir. S'il fallait que je dramatise, que je dédramatise, alors j'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là. J'ai fait une blague. Je lui ai dit, et du coup, aujourd'hui, vous avez toujours du sopalin avec vous, au cas où? Non. Ouais, je sais. Moi, je rigole au blanc de Daniel Morin. Il n'y a pas de miracle, c'est comme ça. Si j'étais Pierre Desproges, ça se saurait, tu vois. Mais bon. Mais je vous promets, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que la dame, elle a ouvert sa boîte à gants. Il y avait une pile de sopalin. C'est pas une blague, je vous jure. Je vous promets, elle me dit, je vous rassure, c'est pas pour que les gens se masturbent, Mélanie. C'est parce qu'il y a des gens qui pleurent quand les personnalités meurent. Genre France Gall, Johnny, etc. Donc elle a plein de sopalin. Ça s'appelle des mouchoirs, pas des sopalins. Voilà, moi j'appelle ça comme jeune Belgique, j'ai mon vocabulaire, donc c'est moi tranquille. Respecte sa différence. Je vous promets, les Français, moi je serai jamais prêt pour vous. Allez, bonne marche contre la violence faite aux femmes samedi. Et bonne émission, les amis.